Alexandre batte la tour de Vergne, bourré trois temps. Danza, danza petite, danza pecaire. Danza, danza petite, danza pecaire. Pour ne pas danser, mon amant me quitte d'or. Pour ne pas danser, mon amant ça y est pas. Pour ne pas danser, mon amant me quitte d'or. Pour ne pas danser, mon amant ça y est pas.